再continue, yo, ha. Ras, yo, freestyle, ewa, ha, yo, ewa, yo, ok. Oh, mademoiselle, voudrait que je suis sans laisse tomber. Tu sais que c'est non, un bon conseil. Revois tous tes plans, c'est nos contestes. T'es une vraie bebon, une vraie tigresse. Une super décan qui tient son rôle à la perfection, comme Rem l'a faire. Comme toutes celles d'avant, mais là c'est moi qui te mets un gros vent. Et ouais, c'est rase, le mauvais garçon. Mademoiselle voudrait que je suis sans laisse tomber. Tu sais que c'est non, un bon conseil. Revois tous tes plans, c'est nos contestes. T'es une vraie bebon, une vraie tigresse. Une super décon qui tient son rôle à la perfection, okay. Qu'aimerais me la faire comme toutes celles d'avant. Bon, tu veux qu'on fasse son plan, que là c'est l'amour qui vient de Cupidon. Bah, laisse tomber. Je veux pas comprendre tes codes, tes dialogues, tes temps modèles. Eh ouais, je suis qu'un homme qui cause à l'ancienne, qui t'apprend narrateur référentiel. De la plus laide ou de la plus belle. Bon, ok, t'es trop belle. Bon, j'espère que tu sais que dans un autre monde, y'a des femmes encore plus belles qui du miel. Mais là je te parle de ce genre de lionne que je trouverai pas dans cette jingle. Et qu'est-ce putain de game au fond ma belle. Ben tu vaux pas mieux que cette pute. Et qu'est la femme que je paye pour faire ce que tu sais. Quoi, t'aimerais que je te dis je t'aime avec un chant de karaoké, ou que je te fasse bouger avec un son du disque jockey. Laisse tomber. Quoi, tu veux que je passe des nuits blanches à penser à toi jusqu'au point de péter un cap. Laisse tomber. Bon, il est temps qu'on stoppe ce faux spectacle. Et ouais, c'est chacun sa route dans ce lent et court chemin de la vie bourré d'obstacles. Et ouais, c'est rase et que elle joke le moi qui cache la porte de ton game. Et ouais, quoi, tu veux que je t'appartienne? Bon, il faut que tu comprennes que ben c'est N-O-N. C'est comme ça. Oh, quoi? Ouais, que je suis. Bon, allez, goodbye. Mademoiselle voudrait que je suis sans laisse tomber. Tu sais que c'est non, un bon conseil. Revois tous tes plans, c'est nos contestes. T'es une vraie bebon, une vraie tigresse. Une super décan qui tient son rôle à la perfection, qu'aimerais me la faire comme toutes celles d'avant. Mais là c'est moi qui te mets un gros vent. Et ouais, c'est rase, le mauvais garçon. Mademoiselle voudrait que je suis sans laisse tomber. Tu sais que c'est non, un bon conseil. Revois tous tes plans, c'est nos contestes. T'es une vraie bebon, une vraie tigresse. Une super décon qui tient son rôle à la perfection, qu'aimerais me la faire comme toutes celles d'avant.